Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Ils ont eu plus de peur que de mal, les habitants des localités avoisinant la Kibira, commune Musigati de la province de Bouvanza, ont passé la nuit de ce mercredi à jeudi dans une peur panique, soupçonnant la présence de rebelles dans cette forêt. Et le Burundi est de retour sur la scène régionale et internationale et joue le rôle qui lui revient en matière de paix et de sécurité. C'est ce qu'a déclaré le ministre burundais des Relations extérieures lors de l'ouverture ce jeudi de la 5e session du dialogue politique entre le Burundi et l'Union européenne. À Kayanza, les activités des vendeurs de la monnaie électronique à travers le service Lumicash tournent au ralenti à cause du manque de billets de banque. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouverture ce jeudi de la 5e session du dialogue politique entre le Burundi et l'Union européenne. Cette session qui se fait à huis clos compte poursuivre l'évaluation de l'état de coopération entre le Burundi, l'Union européenne et ses États membres, l'évaluation de la situation du Burundi après la levée des sanctions et les droits de l'homme. Le ministre burundais des Relations extérieures, Albert Shingiro, se réjouit que le Burundi joue le rôle qui est le sien en matière de paix et de sécurité. En témoigne l'expérience que le Burundi exporte en matière de stabilité dans les pays de la région et dans d'autres pays lointains. Les habitants des localités proches de la Kibira, en commune Musigati de la province de Bouvanza, ont passé la nuit de mercredi à jeudi dans une peur panique suite aux rumeurs faisant état de la présence de rebelles dans cette forêt. L'administrateur de la commune Musigati explique qu'après vérification en collaboration avec les forces de sécurité, ils ont constaté que c'était faux. Il appelle la population au calme et à continuer ses activités quotidiennes. Spes Caritas Kabanyana. Les habitants de certains ménages proches de la forêt de la Kibira, en commune Musigati, disent qu'ils ont passé cette nuit de mercredi à jeudi dans une peur panique suite aux rumeurs qui faisaient état d'éventuelles présences des rebelles dans la Kibira. D'autres disaient que les rebelles sont entrés par Gatura dans la localité de Kwibaro et se dirigeaient vers la Kibira. Ces rumeurs ont fait que les gens quittent leur maison ce jeudi matin, former des groupes autour de leur ménage pour échanger afin de savoir ce qui se passait au juste. De son côté, l'administrateur de la commune Musigati reconnaît lui aussi qu'il y a eu des rumeurs qui ont perturbé les habitants des collines de Massare, Kayange et Dondi ce jeudi matin. Joachim Doumami fait savoir que les forces de l'ordre sont vite arrivées sur le terrain pour vérifier et ils ont constaté que ce n'était pas vrai et que c'était tout simplement des rumeurs. Il appelle la population au calme et à continuer leurs activités quotidiennes. Il précise que la paix règne dans tous les coins de cette commune et même dans la Kibira. Par ailleurs, des rumeurs pareilles ont été également signalées depuis ce dimanche dans les localités frontalières à la République démocratique du Congo. Les administratifs locaux contactés précisent aussi qu'ils ont vérifié auprès des forces de l'ordre qui les ont rassurés en disant que ce n'était que des rumeurs et que la paix règne sur les frontières. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. C'est la mise en place d'un fonds d'appui au secteur minier, l'actionnariat de l'État à hauteur d'au moins 25% dans un comptoir. Des sanctions contre ceux qui tenteraient de cacher des substances minérales. Voilà quelques-unes des innovations du projet de loi portant code minier tel qu'analysé adopté par l'Assemblée nationale en début de semaine. Répondant aux inquiétudes des élus du peuple, Ibrahim Ouizeye, ministre en charge des mines, a précisé que les articles relatifs seront révisés. Mireille Kanyang. Dans ce projet de loi portant révision du code minier burundais, 22 articles et ajouts ont été apportés. C'est entre autres l'article 7 qui introduit la notion de partage de production entre l'État et l'exploitant. L'article 12 montre que le produit à exporter doit d'abord être transformé jusqu'à un certain pourcentage. L'article 26, quant à lui, insiste sur le fait que l'État doit être associé dans les activités minières. L'article 139 de ce projet de loi précise que pour l'autorisation d'un comptoir, il faut la présence de l'actionnariat burundais d'au moins 25%. L'article 159 parle de la transformation sur place des produits carriés. L'article 218 de ce projet de loi parle de la mise en place d'un fonds d'appui du secteur minier et précise les modalités de son alimentation. Quant à l'article 232, il introduit la notion de paiement du manque à gagner causé à l'État par les activités minières. Selon toujours ce projet de loi, l'article 234 prévoit des sanctions. Ici, le député Pamphile Malaika fait savoir que des sanctions prévues par ce nouveau projet de loi contre ceux qui cachent sciemment la découverte de nouvelles substances minérales d'intérêt économique vont de 50 à 100 millions de francs burundais, alors que l'ancienne loi prévoyait des sanctions allant de 200 à 500 millions de francs burundais. Il propose que l'on revienne sur ces sanctions. Sur ce, Ibrahim Ouizeye, ministre ayant les mines dans ses attributions, répond par la positive. Il fait d'abord référence aux pompes sur les stations-service, où il fait savoir que les quantités servies ne sont pas celles demandées. Quant à l'article 257, il parle de la gestion des sociétés qui ont été suspendues et de la gestion de la société régie par l'ancien code de 1976. Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certaines mères célibataires en commune Kirundo se plaignent de se voir refuser l'enregistrement de leurs enfants à l'état civil depuis l'interdiction annoncée dernièrement par le ministre de l'Intérieur, Martin Iteretse, qui a ordonné au gouverneur de Provence de ne plus enregistrer les déclarations de naissance des enfants à père inconnu. L'officier d'état civil à Kirundo confirme l'existence de cette catégorie d'enfants. L'administrateur ou ses conseillers se font aider par les chefs collinaires pour rechercher des pères de ces enfants, Abraham Safari. Les enfants dont les pères sont inconnus se remarquent toujours en province de Kirundo. Ingénieur Gushimna, une jeune maman de 21 ans, que nous avons rencontrée devant le bureau de l'administrateur de Kirundo ce mercredi avec un enfant de 3 mois à la main, et nous a raconté comment son mari l'a laissé seul à la maison sans toutefois faire inscrire l'enfant à l'état civil. Cette jeune maman signale que sa situation est malheureuse et ne voit pas comment elle pourra faire soigner gratuitement son enfant comme les autres. Ingénieur Gushimna nous a fait savoir qu'elle a saisi l'administration et cette dernière l'a donné 3 convocations pour son mari, mais ce dernier a préféré fuir la localité. À l'état civil, de tels cas se remarquent, comme le précise la responsable du bureau de l'état civil de la commune de Kirundo, Florence Muyabaga. Si des cas pareils arrivent, a-t-elle dit, et les envoie chez l'administrateur ou ses conseillers pour les aider à la recherche des pères des enfants. Cela à partir de la sortie de la décision du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique interdisant l'enregistrement à l'état civil des enfants des pères inconnus. De la part de l'administration, Manilio Pascal, secrétaire permanent de la commune de Kirundo, après la sortie de cette décision, ils se sont précipités à la sensibilisation des chefs collinaires pour qu'à leur tour, ils amènent le message à la communauté afin d'aider à la recherche des pères de ces enfants. En premier lieu, nous avons fait la sensibilisation des administratifs, la base et des agents d'état civil pour que et puis c'est d'abord les agents d'état civil, savoir la décision, et les administratifs à la base de domaine, savoir la décision. Mais particulièrement pour les administratifs à la base, pour nous aider à sensibiliser la population de leur ressort administratif. Pour le moment, tout le monde est sensibilisé, puisque même dans les réunions que nous tenons à l'endroit, soit à l'endroit de toute personne concernée. Cette autorité appelle les parents à faire inscrire leurs enfants à l'état civil pour qu'ils bénéficient des avantages comme les autres enfants burundais. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Les vendeurs de la monnaie électronique à travers le service Lumicash à Kayanza déplorent le manque de billets de banque pour exercer convenablement leurs activités. Propos d'Irénée Nirandekura, super agent Lumicash, regroupé au sein de la coopérative New North Based Investment Business. Il demande à la Banque centrale d'approvisionner les agences bancaires en nouveaux billets pour leur faciliter la tâche. Patrick Saint-Guillaume. Certains des agents Limikash et vendeurs de la monnaie électronique qui sont regroupés au sein de cette coopérative contactée disent que leurs activités ne fonctionnent pas convenablement depuis la démonétisation des anciens billets de 5 et 10 000 francs. Certains disent d'ailleurs qu'à cause du manque de la monnaie cash à donner à leurs clients, ils ont déjà enlevé des indications du service Limikash tels que des gilets et autres, expliquant qu'ils ne sont plus à mesure de satisfaire les demandes des services de leurs clients. D'autres qui sont universitaires qui se rabattent dans ce service de la vente de la monnaie électronique après légère des cours, indique qu'ils ne voient pas comment ils pourront s'opérer le Minerval si le service Limikash ne fonctionne pas bien. Les vendeurs de la monnaie électronique à Kayanza demandent au gouvernement burundais de prévoir des mesures sécurisées de disponibilisation des billets de nos francs au sein des institutions bancaires. Interrogé à ce sujet, René Nirandekula, président de la coopérative New North Based Investment Business et regroupant les agents du service Limikash à Kayanza, il a fait savoir que ces jours-ci, les agents de ce service à Kayanza travaille à perte, arguant que ces derniers jours, il pouvait utiliser la monnaie cash d'une somme variant entre 30 et 40 millions, mais que depuis le retrait des anciens billets de 5 et 10 000 francs dans la circulation monétaire, ils ne sont approvisionnés qu'entre 1 million et 2 millions seulement. Au moment où, avec le manque des billets d'argent de 5 et 10 000 francs au sein des banques, le service Limikash intervenait beaucoup, la population s'inquiète d'y puire les jours à venir si le service Limikash continuera à fonctionner tant bien que mal. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pour la radio Isanganilo. De Kayanza, rendons-nous à Tchankouzo, où à peu près 900 hectares des champs de maïs des marais dans cette province sont prévus pour être cultivés pendant cette saison. C'est en cours. Cela a été dit ce mercredi en commune Kigamba au cours d'une réunion des intervenants dans le secteur agricole. Le directeur en charge de l'agriculture a déclaré que beaucoup d'agriculteurs ignorent les techniques de fumure des champs de marais et demande à la population agricole de préconiser le fumier organique pour les maraîchers. Correspondance de Raymond Moudende. Certains agriculteurs exploitant des marais en province Tchankouzo disent qu'ils sont confrontés au manque de semences sélectionnées. Dans une réunion du groupe sectoriel agricole de ce mercredi en commune Kigamba, Melkiad Naoundereye, directeur de l'environnement, de l'agriculture et l'élevage en province Tchankouzo, a informé que beaucoup d'agriculteurs de la province Tchankouzo ne fument pas leurs champs maraîchers. Et d'autant plus que 900 hectares de champs maraîchers sont prévus pour être cultivés durant cette saison, c'est en cours. Chaque paysan agricole devra disponibiliser du fumier organique pour son lopé de terre dans les marais. Même si la semence de maïs a été priorisée dans les cultures de marais, surtout pour les marais aménagés, les agriculteurs vont continuer à cultiver d'autres semences qui s'adaptent dans les marais et préconiser l'irrigation. Au moment où la direction de l'agriculture insiste sur la technique de fertiliser les champs par la fumure organique, elle recommande aussi à la population de pratiquer l'élevage du petit bétail pour avoir du fumier. Depuis Tchankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond. Et les élèves du lycée communal Guivaga, commune Mugongo-Manga de la province de Bujumbura, fréquentent le centre de lecture et d'animation culturelle de Guivaga. Ces filles disent qu'elles gagnent beaucoup lorsqu'elles se ressourcent dans ces bibliothèques. Mais certains parents ne permettent pas à leurs enfants, surtout les filles, de les fréquenter pour diverses raisons. La directrice du lycée Guivaga lance un appel aux parents de ne pas constituer une barrière aux filles car elles ont besoin de s'épanouir comme les garçons. Évariste Nzikobanyanga. Le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Guivaga est à 200 mètres du lycée communal Guivaga. Les filles de tous les âges qui le fréquentent sont intéressées par la matière didactique disponible car elle constitue une valeur ajoutée. Pendant les examens, on vient ici et ça nous aide dans les sciences comme en biologie et en chimie. Même pour ceux qui se ressourcent en Kirundi, la matière est disponible. Il y a des livres de langue et de littérature. Je demande à celles qui n'ont pas encore fréquenté ce CLAC de venir lire et comprendre. Les professeurs de français au lycée Guivaga constatent la valeur ajoutée chez les élèves, surtout filles, qui se ressourcent dans ce CLAC. Professeur Fabien Bonerané dispense le cours de français au lycée Guivaga. C'est normal d'étudier le cours de français puisque même en biologie, même en chimie, en sociologie, en philosophie, on n'étudie pas en Kirundi. Donc le français, c'est une langue d'enseignement. C'est pour cela que nous encourageons les enfants, qu'ils soient, du primaire ou du secondaire de fréquenter les centres de lecture et d'animation culturelle. Par ailleurs, la culture universelle exige que on doit avoir des connaissances dans quelques langues étrangères. Même si les filles de Guibaga se ressourcent aux claques de la localité, certaines sont désintéressées. Des sources sur place indiquent que les parents ne permettent pas surtout les filles à fréquenter ce centre pour diverses raisons. La directrice du lycée communal Guibaga apprécie l'action gouvernementale d'implanter le claque à Guibaga. Claudine Ndizeye encourage les parents de laisser surtout leurs filles à fréquenter ce claque pour acquérir des connaissances comme les garçons. Si elles arrivent à la maison, il y a beaucoup de travaux ménagers. Leurs parents sont là à la maison et vont les aider à faire les travaux ménagers. Il y a des réunions que nous tenons avec les parents. Nous leur disons souvent que ces parents devraient accorder beaucoup plus de temps à leurs enfants pour aller visiter ces claques, pour bien se débrouiller en répondant aux questions que nous leur donnons en classe. Ceux qui fréquentent le claque Guibaga demandent de la connexion Internet pour renforcer leur capacité dans les TIC au même niveau que les autres pays. C'est en SOS que la radio-télévision Isanganiro lance en faveur de cet enfant qui a une souffrance cérébrale qui cause la paralysie des autres organes. Il s'appelle Nitunga Adelin Blessing. Il est âgé de 10 ans. Il nécessite un transfert médical en Belgique pour une somme de 33 millions de francs burundais. Sa mère, Nibasumba Adeline, demande au bienfaiteur de l'aider. Lydie Gahimbari. Nitunga Adelin Blessing, un enfant de 10 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne marchait pas. Il ne peut pas manger sans avoir une aide. Nibasumba Adeline, la mère de cet enfant, natif de la province Muyinga, indique qu'il a constaté cette maladie depuis que son fils a 2 mois seulement. Dès lors, elle s'est précipitée vers l'hôpital Muyinga pour faire soigner son enfant, mais en vain. Cet enfant a été transféré à Bujumbura où il a été consulté par de différents docteurs. Il a été consulté par un pédiatre et le neurologue. Ces derniers ont constaté que cet enfant subit une souffrance cérébrale. Ainsi, ils ont suggéré à cette maman d'aller faire soigner son enfant à l'étranger. Nibasumba Adeline, la maman de cet enfant, fait savoir que les docteurs qui ont consulté Nitunga Adelin ont prescrit une lettre de transfert et le ministère de la Santé publique a fait le rapport médical pour que cet enfant puisse aller se faire soigner à l'étranger. Nibasumba Adelin indique qu'elle a déjà reçu la réponse de la part de la clinique Saint-Luc en Belgique où cet enfant va bénéficier des soins médicaux. Mais moyennant le montant de 33 millions de francs burundais. Les parents de cet enfant demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide afin de sauver la vie de leur fils. Celui ou celle qui peut contribuer pour les soins de cet enfant peut passer à la radio-TV Sanganiro. Lydie Gahimbare. C'est un nouveau rebondissement dans une des affaires judiciaires les plus sensibles liées au génocide de Rwanda. La Cour d'appel de Paris a annulé ce mercredi 21 juin l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Wissessero fin juin 1994. Le dossier va désormais retourner sur le bureau des juges d'instruction. À eux de décider si les 5 officiers généraux impliqués doivent être jugés. Les associations Survie et Ibuka, la Fédération internationale pour les droits humains et 6 rescapés reprochent aux soldats de l'opération turquoise d'avoir sciemment abandonné les Tutsis réfugiés dans les collines de Bisesero. La FIDH se félicite donc de voir le dossier renvoyé aux juges. Et au Sénégal, les participants au dialogue national initié par le président du pays se sont accordés sur le fait que Karim Ouad et Khalifa Sall, deux figures de la politique condamnées respectivement en 2015 et 2018, puissent se présenter à la présidentielle de février 2024. Concernant le cas d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, condamné le 1er juin dernier à 2 ans de prison ferme, il reste en suspens. Il n'y a par ailleurs pas eu de consensus sur la question d'une éventuelle 3e candidature du président Macky Sall pour 2024. Chacun est resté sur sa position. Les conclusions du dialogue, attendues au plus tard le 24 juin devront au final être validées par le chef de l'État. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.